Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, l'affaire Dreyfus, épisode 2, la victoire de la République. En janvier 1898, au moment où notre histoire commence ce soir, voilà 3 ans que le capitaine Alfred Dreyfus, jeune officier qui a le double tort d'être brillant et d'être juif, a été condamné pour haute trahison et déporté à vie en Guyane. Voilà aussi 3 ans que son frère, Mathieu, se bat pour faire reconnaître son innocence. Un combat acharné, quasi solitaire, qui, au prix de 1000 pièges tendus au nom de la raison d'État, l'amène enfin à découvrir l'identité du véritable traître, Esterhazy. L'affaire Dreyfus aurait pu s'arrêter là, happy end, preuve à l'appui, le coupable est châtié et l'innocent libéré. Mais non. Contre toute logique, au mépris de la vérité et de la justice, le Conseil de guerre, le 11 janvier, confirme la culpabilité de Dreyfus. L'honneur de l'armée est sauf et la machine se referme sur l'innocent. Mais 2 jours plus tard, alors que tout espoir semble mort, un acte révolutionnaire, génial, mené par un écrivain au péril de sa vie, va provoquer un véritable coup de tonnerre et relancer l'affaire. Le fameux « J'accuse » d'Émile Zola. C'est cette histoire que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Philippe Auriol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, un des spécialistes de l'affaire Dreyfus. Alors pourquoi l'histoire de cet homme, plus de 100 ans après sa réhabilitation en 1906, pourquoi cette histoire nous passionne-t-elle toujours, nous, le grand public, et aussi les historiens comme vous ? Je ne sais pas si elle passionne autant, en fait, parce que le problème, c'est que... Beaucoup de temps a passé depuis. Oui, non, elle est passionnante effectivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le grand public se détourne un peu de ces questions-là, c'est une certitude. Sinon, elle est passionnante parce qu'elle pose des questions qui sont toujours actuelles, et c'est une des raisons pour lesquelles on est pas mal en fait à travailler sur la question. Et puis aussi peut-être quelque chose, enfin en tout cas pour moi, de beaucoup plus personnel. Cette histoire est tellement incroyable et rocambolesque qu'en fait, j'ai toujours l'impression d'avoir 12 ans quand je travaille dessus, quoi. C'est une sorte de superbe cluedo, voilà. Alors, comme l'affaire Dreyfus est complexe et qu'il a fallu de longues années pour que la vérité et la justice soient faites, j'ai choisi de la raconter en 2 parties. Ce soir, donc, c'est le 2e épisode. Mais pour bien comprendre, pourriez-vous, Philippe Auriol, nous rappeler les grandes lignes de cette affaire? Donc, entre l'arrestation de Dreyfus, c'était en octobre 1894, et l'acquittement assez inattendu de celui que tout désigne quand même comme le coupable, donc Esterhazy, le 11 janvier 1898. Vous avez fait une très belle synthèse en fait en ouverture, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. Donc effectivement, à partir du moment où Dreyfus est à l'île du diable et qu'il est innocent bien évidemment du crime pour lequel il a été condamné, Mathieu, son frère et toute la famille, mais surtout Mathieu qui va tout abandonner et qui va décider de vouer sa vie en fait à la réhabilitation de son frère pour sauver en fait le nom Dreyfus et l'honneur de la famille, va tout entreprendre avec même parfois des choses qui peuvent sembler extraordinaires. Et lui-même, d'ailleurs, ça lui semble extraordinaire, comme par exemple aller consulter des voyantes. Tout est possible, il est complètement désespéré. En plus, il est tout seul, puisque plus personne ne veut leur parler. Ils sont vraiment ostracisés, bannis. Et voilà, il y a un petit qui est un grand journaliste, en fait, qui s'appelle Bernard Lazare, qui est convaincu dès le départ que Dreyfus est innocent, et Mathieu va le contacter. Bernard Lazare accepte de prendre l'affaire en main, ce qui va lui coûter et sa carrière et probablement sa vie d'ailleurs, parce qu'il est, bon, naturellement il n'a pas été assassiné, mais en fait il est tellement brûlé par cette affaire que ça va vraiment le dévorer. Et Bernard Lazare tente, mais Bernard Lazare échoue à faire bouger une société qui part du principe que la chose jugée ne peut être remise en question, surtout quand cette chose jugée en fait a pour origine un tribunal militaire, un conseil de guerre, parce que l'armée ne peut pas se tromper. Dans les mémoires, à l'affaire Dreyfus est associé immédiatement le nom d'Émile Zola, on va le voir d'ailleurs dans un instant, mais comme beaucoup d'autres, il a mis lui aussi un certain temps à croire en l'innocence de Dreyfus et puis à s'engager en sa faveur. Surtout, il s'est pas posé la question pendant pas mal de temps, comme beaucoup de monde, en fait, parce qu'il n'y a aucune raison de remettre en question ce jugement prononcé par un conseil de guerre. Dreyfus est un traître, la chose est entendue, et voilà. Et quand Bernard Lazare, par exemple, en 96, vient le voir, donc 2 ans avant le J'accuse, vient le voir pour essayer de le sensibiliser à la cause, Zola ne veut pas s'y intéresser parce qu'il n'y a pas de raison de s'y intéresser. Puis Zola est en train de finir son œuvre à cette époque-là. Le moment où il va s'engager, c'est un moment aussi où il vient de finir, les Rougon-Macquart sont finis depuis longtemps. Là, il vient de finir Les Villes. Et il est plus susceptible, en fait, déjà d'avoir du temps pour faire autre chose. Philippe Auriol, nous poursuivrons cette discussion dans une trentaine de minutes, si vous êtes d'accord. Tout de suite, l'affaire Dreyfus, épisode 2, la victoire de la République, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Cédric Ossire. Esterhazy a quitté. Quelle honte! L'état-major n'a pas hésité. Car reconnaître qu'Esterhazy était le coupable, c'était reconnaître que Dreyfus est innocent, et donc reconnaître l'erreur judiciaire, et rouvrir le dossier. Impensable pour l'état-major. Esterhazy a été acquitté à l'unanimité. Et le trio des experts graphologues, de l'opérette. Si le destin d'un homme n'en dépendait, on se tordrait. Tout est verrouillé maintenant. Mais ça sert à rien de s'emporter. Il faut penser. 11 janvier 1898. Émile Zola est chez sa maîtresse, rue Saint-Lazare, lorsqu'il découvre avec stupeur la nouvelle. Le commandant Esterhazy, au terme d'un rapide procès, a été acquitté par le Conseil de guerre. Lui qui pourtant a été formellement identifié comme étant l'auteur du bordereau, la seule pièce qui accusait Dreyfus au procès de 1894. Émile Zola a 58 ans, un collier de barbe grisonnante. Un an avant qu'éclate le procès Dreyfus, il a achevé le grand cycle des Rougon-Macquart. C'est un auteur à succès qui porte la Légion d'honneur, un homme comblé, fort d'une immense popularité. Jeanne Rosereau est sa maîtresse depuis 10 ans et la mère de ses enfants, Denise et Jacques. Mais comprends-tu cela, Jeanne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Émile, quand tu lis le journal, tu te mets toujours dans une colère, c'est pas Dieu possible. Un an qu'ils savent tous qu'il est coupable. Et ils l'ont acquitté. Mais qui ça, il, est coupable? Qui ça? Esterhazy. Oh, mais n'en parle pas méchamment. Sais-tu ce que c'est? Un innocent est en train de crever à l'île du diable depuis 3 ans. Et pendant ce temps-là, les généraux qui savent qu'il est innocent, eux, ils dorment, ils mangent. Ils ont des femmes et des enfants qu'ils aiment. L'amour est pour tous les humains. Ne te mets pas en colère. Jeanne, tu sais, je serai toujours avec vous, même si la mer nous sépare. Je t'aime. Tu sentiras toujours que je t'aime. Pourquoi tu dis ça? Je le sais bien, Émile. Tu me fais peur. Les enfants sont encore en train de jouer. Denise a retrouvé son livre? Je les ai couchés pendant que tu descendais acheter le journal. Jacques n'en pouvait plus, j'espère qu'il n'a rien attrapé. Ah, ils dorment. J'aurais bien voulu les embrasser. S'il m'arrivait, Alexandrine sera toujours là pour vous. N'hésite pas à tout lui demander. Émile, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce ton dramatique à la Sarah Bernard, il n'y a rien dit. Non, non. Tu embrasseras les enfants pour moi. Je rentre. Attends, je t'aide à passer ton manteau. Et voilà qu'il se met à faire froid. Ça va me calmer l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On ne peut rien faire. Même le colonel Picard n'a pas réussi à convaincre le tribunal. Dans ce verdict, un écrapule, un déni de justice. Je ne peux pas m'empêcher de penser que... Non, non, vraiment, ne rien dire, ne rien faire, nous rend complices de leur crime. Mais que faire? La nuit tombe sur Paris. Les crieurs de journaux annoncent l'acquittement d'Esterhazy. Leurs voix poursuivent Zola, qui remonte la rue de Clichy où l'attend Alexandrine, son épouse. Il l'a rencontrée en 1865. Il menait alors une vie de bohème, jeune auteur sans le sou. Alexandrine était lingère et à l'occasion modèle dans l'atelier Cézanne, l'amie de Zola. En 1888, Jeanne Rosereau, 21 ans, est entrée à leur service. Elle est devenue la maîtresse de Zola. Alexandrine s'est résignée, car Jeanne lui a donné 2 enfants qu'elle aime comme les siens. Ce 11 janvier 1898, Zola tourne à l'angle de la rue de Bruxelles. Son appartement n'est qu'à 10 minutes à pied. Il marche vite. Sa double vie doit rester secrète. Il a beaucoup d'ennemis politiques qui pourraient s'en servir contre lui. Alex, tu es où? Dans le salon. Tu as lu le journal? Les jeux sont faits d'avance, Zola. Donne ton manteau. C'est froid, hein? Et les enfants? Ils dorment comme des anges. Esterhazy a été acquitté, tu as vu ça? a bien pu sauver sa tête. Tu le demandes. Le commandant du paty de Clam et ses intrigues rocambolesques. Papier volé, lettres anonymes, femmes en noir. Il a tout manigancé. C'est lui le premier coupable de cette effroyable erreur judiciaire. Un conseil de guerre ne peut pas défaire ce qu'a fait un conseil de guerre. Tant que la justice est entre les mains des militaires... La justice à huis clos, ce n'est pas la justice. Il faudrait porter l'affaire sur la place publique, Alexandrine. Les mensonges ne tiendraient pas une minute. Mais tout est bloqué. Alors, c'est fini. Qui peut encore faire quelque chose? Toi? Tu me suivras? Sans hésiter, mon capitaine. Alexandrine, je vais écrire la plus belle page de ma vie. Ils ont osé. Moi aussi, je vais oser. Comme Voltaire défendant Calas. Il doit bien y avoir une issue. L'affaire Dreyfus, c'est l'affaire de la République, pas du Conseil de guerre. Il y a un moyen. Quelque chose que personne n'a jamais fait. Je vais les pousser à porter plainte en diffamation contre moi. Car la diffamation, ça veut dire les assises. Un procès public. L'affaire étalée au grand jour. Je vais écrire. Non, pas un livre. Un article, plutôt. Il y a urgence. La menace pèse sur la République même. Une lettre ouverte. Au président de la République. La lettre d'un ami qui s'inquiète. Votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches. Au début de l'affaire, Émile Zola, comme tout le monde, n'avait aucun doute sur la culpabilité de Dreyfus. Ce n'est qu'en 1896 qu'il a rencontré les partisans de Dreyfus, ceux de la première heure. Le sénateur Scherer Kessner, Bernard Lazare, le journaliste anarchiste. C'est eux qui l'ont convaincu de l'innocence de Dreyfus. Zola a commencé par publier plusieurs articles contre l'antisémitisme et un texte appelé « Procès-verbal » où il dénonce l'erreur judiciaire. Mais en cette nuit du 11 janvier 1898, pour Zola, tout bascule. L'acquittement d'Esterhazy met en question la justice même de la République. Ce que Zola a en tête, c'est un véritable réquisitoire. Rue de Bruxelles, la lumière du jour paraît dans les vitraux du cabinet de travail. Le feu est presque éteint dans les cheminées. Les murs sont couverts de gravures, estampes, petits paysages flamands. Zola s'est accordé une pause de quelques heures en s'allongeant sur le vieux divan de velours noir. Au petit matin de ce 12 janvier, enfoncé dans son fauteuil de cuir de cordoue, la plume allant du papier à l'encrier de porcelaine, dans le silence, Zola écrit. Tu veux quelque chose? Un thé? Oui, oui, bien sûr. Ah, le jour se lève déjà. 15 pages. Je vais tout dire, de A à Z. Les méthodes scélérates, la machination antisémite. Étrange machinerie, si on y pense. On perquisitionne chez Dreyfus, rien. C'est louche. Il est alsacien, il sait des langues, il a le souci de bien faire, inquiétant. Il se trouble, c'est qu'il est coupable. Il ne se trouble pas, idem. Tout l'accuse. C'est ça la justice, monsieur le président ? L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Et puis, acquitter un coupable. J'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Là, je leur mets les points sur les i. Avec ça, si le ministère de la guerre ne m'attaque pas en justice pour diffamation. Ah. C'est toi. Qui d'autre? Oh, je connais ce regard foudroyant. Je dérange, je dis... Non, reste un peu. Cette machine diabolique défie la raison. Tu as écrit toute la nuit? Oui. Le lait, le sale, m'étonne toujours de la part de l'humanité. Tu devrais te reposer un peu. J'ai dormi entre 3 et 5 heures du matin. Le poêle est presque éteint. Tu ne peux pas travailler par ce froid. Il faut que je m'y fasse. Je vais peut-être finir en prison. Et ça te fait rire. J'ai réfléchi toute la nuit, moi aussi. La droite va se déchaîner contre toi, Zola. Tu prends un énorme risque. Faites une pétition avec Clémenceau, le sénateur Jaurès. Beaucoup la signeraient. Zola, tu n'es pas seule dans la vie. Denise et Jacques ont besoin de leur père. Alex, je sais bien que j'ai charge d'âme, mais si on peut dire, j'ai charge de vérité aussi. Je sais que tu me comprends. Je suis assez fort, je braverai tout. Ah, les mots. Je n'arrive pas à trouver ce passage-là. C'est un acte d'accusation que tu écris ? Oui. Attends, je sais. C'est un crime que... Non. C'est un crime d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. Deux camps. D'une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse. De l'autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle le soit. Bien. Et la fin ? Dire que l'humanité a droit au bonheur. L'idéal des Lumières. Quelque chose comme ça. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Fini le huis clos des conseils de guerre et des bureaux de la section des statistiques. Zola, le vieux Zola, aux assises. J'attends, monsieur le président. Fin d'après-midi, le jeudi 13 janvier 1898. Deux jours après l'acquittement d'Esterhazy, après 36 heures de travail, Zola apporte son article au journal L'Aurore. 32 pages qui s'inscriront dans l'histoire de France. Est-ce que Clémenceau va me le prendre ? L'Aurore n'est pas du tout sur cette ligne. Il s'en tient au plan juridique. Affirmer l'innocence de Dreyfus, c'est autre chose. Le temps est froid et gris, la rue Montmartre encombrée de charrettes à charbon et de fiacres. L'Aurore est au 142, dans de modestes locaux. Georges Clémenceau en est l'éditorialiste. Républicain radical, maire du 18e arrondissement et ancien député, il a défendu l'amnistie des communards. Zola entre dans son bureau, troisième étage au bout du couloir. Si sombre que Clémenceau s'éclaire toute la journée au bec de gaz. On n'y voit rien du tout dans votre bureau, Clémenceau. Zola, ça m'a étonné qu'après l'acquittement, vous ne soyez pas passé. Justement, tout est là. Je vais vous le lire. Bon, on n'y voit rien. Attendez, je vais allumer l'autre lampe. Voilà. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. Ben ça, vous n'y allez pas de main morte. J'accuse le général de Pélieu d'avoir fait une enquête scélérate. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. C'est de la provocation, Zola. Oui. Ils vont me faire un procès en diffamation. C'est ce que je veux. Vous vous sabordez. Et mon journal avec. C'est moi qui signe le papier. J'en prends toute la responsabilité. Pourquoi faites-vous ça ? Dreyfus est innocent. Comme vous y allez. Les irrégularités du procès de 1894, d'accord. Mais Dreyfus innocent. Et si vous vous trompiez, vous nous entraînez tous avec vous. La droite va nous anéantir. Il faut bien débloquer la situation. Je ne vois rien d'autre que de porter l'affaire devant la justice de la République, Clémenceau. Zola aux assises. Enfin, c'est vous qui prenez le risque. Mais demain, en une, je rétablirai notre ligne, notre point de vue, juridique seulement. Dénoncer l'illégalité du procès, un point c'est tout. Voyons ce titre. Lettre à Monsieur Félix Faure, président de la République. Je peux aussi le porter au Figaro. Non, c'est immense cette chose-là. Laissez-moi réfléchir. Il faut un titre accrocheur, quelque chose de court, percutant. C'est vrai. Celui-ci est un peu officiel. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Mais oui, vous l'indiquez vous-même le titre. Il n'y en a qu'un. J'accuse. J'accuse. Trois points de suspension, point d'exclamation. Sous-titre, lettre au président de la République par Émile Zola. Bien. Ça sera pour demain matin. Oui. Et on va multiplier le tirage par 10. 300 000 exemplaires, 6 colonnes à la une. J'accuse. Si vous endossez tout. Une œuvre de justice, Clémenceau. C'est sorti de moi comme un cri. Entre 10h du soir et 3h du matin, on met sous presse. À 5h, les livreurs sont devant l'imprimerie, dans le froid, et chargent leur charrette à bras pour courir de kiosque en kiosque à travers Paris. Il fait encore nuit. Sur les boulevards, les équipes de crieurs, recrutées à la hâte, posent des affiches. En une du journal, dans une manchette en énorme caractère, s'étale le titre « J'accuse ». Quand Paris s'éveille ce jeudi 13 janvier 1898, tout est prêt. La rumeur enfle. On s'arrache le journal. C'est un coup de tonnerre. Comme prévu, le ministre de la Guerre porte plainte en diffamation. L'Aurore fait paraître le manifeste des intellectuels, demandant la révision du procès Dreyfus. Les législatives auront lieu en mai. Le procès de Zola s'ouvre le 7 février 1898, en pleine campagne électorale, au palais de justice de Paris, dans un climat de violence extrême. Dreyfusard ou anti-Dreyfusard, pour tous, c'est une tribune politique. Exactement ce que visait la stratégie d'Émile Zola. L'affaire Dreyfus commence enfin. De leur côté, Lucie et Mathieu Dreyfus ont vu en quelques mois leur combat solitaire prendre une dimension politique et leur échapper. Mathieu n'assiste pas au procès, mais Lucie est citée comme témoin. Il se retrouve au bord de la Seine. Vous frissonnez ? Il fait froid, non ? Vous me parliez de cette soi-disant preuve ? Oui. Au milieu du procès, le général Pellieu a agité un télégramme à l'ambassadeur allemand. Il accuse nommément Alfred. Et quand l'avocat de Zola a demandé à l'examiner, on le lui a refusé. D'où est-ce qu'ils sortent ça ? Je ne sais pas. Vous avez pu témoigner ? Par deux fois, j'ai été appelée à la barre, mais le procureur a refusé. J'aurais ému les jurés, je suppose. C'est le danger pour eux. L'humanité. C'est ce qu'a rappelé Zola, dont j'accuse. Je l'ai observé au procès, vous savez. Calme, assuré. Il assumait tout. Il s'est mis sciemment sous le coup de la loi, il a fait citer 200 témoins, même des officiers. Quel risque il prend ? Lui, au fait de sa gloire, s'engager ainsi pour Alfred, un homme qu'il ne connaît même pas. Aux assises, Mathieu, c'est l'armée qui était seule. Moi, je n'étais plus seule. Zola est un homme de courage. Tout ce que nous lui devons, Mathieu. Il y a eu une attaque antisémite dans le quartier juif. À Belleville, vous savez. Ils ont mis le feu à la synagogue. Ils terrorisent des commerçants juifs. La police craint une nouvelle Saint-Barthélemy. Cette haine ne finira donc jamais. Qui sait jusqu'où ça ira ? Lucie, allez dans notre maison à Mulhouse. Vous y serez en sécurité. Non. Zola dit qu'il va y avoir un second procès. Pour vice de forme. C'est le ministre de la Guerre qui a porté plainte en diffamation. Ça aurait dû être le Conseil de Guerre. Et moi, je vais refaire une demande en révision du procès. C'est le moment. Oui, vous avez raison. Des nouvelles d'Alfred ? Il écrit qu'il s'est remis aux mathématiques. Et qu'ils ont encore durci ses conditions de vie. Pourquoi le faire souffrir ainsi ? Enfin, c'est fini. Deux procès. C'est long. Mais cette fois, c'est pour de bon. J'écope d'un an de prison ferme. Et cette foule enragée. Grand silence des hommes politiques. Ces pantins détraquent le pays. Ah, rappelez les députés intègres, Lamartine, Louis Blanc, Victor Hugo. On n'aurait pas laissé faire. On approche de Saint-Cloud. Clémenceau ne doit pas être loin. Le verdict est tombé le 23 février 1898. Émile Zola est condamné à un an de prison et à 3000 francs d'amende. De son côté, le colonel Picard, accusé de divulgation de documents secrets intéressant la défense nationale, a été incarcéré au Mont-Valérien. La peine de Zola est confirmée en appel le 18 juillet suivant. La cavalerie doit charger la foule pour que Zola arrive à quitter le tribunal de Versailles. Sa voiture file au galop vers Paris. Des agents à bicyclette l'accompagnent jusqu'à Garches. Il poursuit seul à travers bois et s'arrête juste avant Saint-Cloud. Zola a rendez-vous avec Clémenceau dans ce lieu discret. Zola, vous ne pouvez rentrer rue de Bruxelles. Alexandrine m'attend. Un an de prison, Zola, il faut l'éviter à tout prix. Vous devez partir. Je suis libre. On s'est pourvu en cassation, c'est suspensif. Combien de temps ? Un mois, deux ? Je suis prêt. La prison, grand Dieu, je n'ai jamais demandé que cela. En prison, vous serez condamné au silence, Zola. La fuite, c'est un aveu de culpabilité. Libre, vous pourrez écrire. Si vous voulez jouer sagement la partie, partez immédiatement, je vous assure. Non, je ne pars pas. Je ne pense pas à moi. Nous regrouper sous le drapeau de la République et la défendre, voilà ce qu'on va faire. Au lieu de céder à ce vent de folie. Vous les avez entendus devant le tribunal ? Mort à Zola, le métèque vénitien. Croyez-moi, il n'y a plus très loin de l'appel à l'acte. Dreyfus a besoin de vous, vivant. Ils en veulent à ma vie, c'est sûr. Partir. Mais où ? Londres. Ce soir même, à 9h. Ma femme, elle n'est pas prévenue. Allez, c'est l'affaire de quelques semaines. Vous reviendrez quand tout sera calmé. Adieu, Clémenceau. Gare du Nord, s'il vous plaît. Je suis si émue. Je n'ai pas fait de valise. Les agents devant la maison l'auraient vu et... Ne t'inquiète pas, Alex. J'ai mis quelques affaires enroulées dans ce journal. Merci. Crois-tu... Je ne sais pas. On ne t'a pas suivi, je ne crois pas. Tu sais où tu vas ? À Londres. Oh, tout va trop vite. Quand reviendras-tu ? Je ne sais pas. Attends tranquillement de mes nouvelles. Ah, Jeanne, les enfants... Je vais la prévenir. Je veillerai sur eux. Alex, il faudra peut-être les aider. Je suis prête. Tu le sais. Je te soutiendrai toujours dans tout ce que tu fais. Adieu. Ne dis à personne au monde où je suis. Les lumières de Calais s'éteignent une à une dans la nuit. C'est fait. Au revoir, ma France. Au revoir. Ma pauvre tête. Quelle épreuve. Ça, je ne pars pas pour toujours. Je les entends d'ici dire « Bon débarras, Zola, le responsable du chaos. » Quand l'Europe entière doute de la culpabilité de Dreyfus, moi je ne veux que l'honneur de la France, qu'elle reste une grande nation. Se retrouver forcé de fuir avec une chemise de nuit pliée dans un journal et une meute galopant à mes talons. Voltaire aussi, après Calas, a dû partir. Fernet. Et il est au Panthéon. Le ciel est clair cette nuit du 18 juillet 1898. Sur le bateau qui emporte Zola vers l'Angleterre, pas plus d'une trentaine de passagers, tous anglais. Il reste sur le pont. Sa dernière traversée de la Manche, c'était il y a 5 ans. Écrivain français mondialement connu, il avait été reçu à Londres avec feux d'artifice et ovations. Aujourd'hui, il arrive hors la loi. Sitôt descendu du train, il prend une petite chambre au 5e étage de l'hôtel Grosvenor, puis va s'acheter quelques chemises. Les enfants, venez, il y a une lettre de votre père. Asseyez-vous, écoutez. Jacques, ne te balance pas sur la chaise. Ma chère Jeanne, ce qui me console, c'est que vous soyez bien tranquille dans notre beau jardin de Verneuil. Soyez gaie le plus possible. Ceux qui espionnent la maison s'en iront quand ils verront que je n'y suis pas. Menez votre vie habituelle. Riez, chantez, jouez du piano. Lorsque je rentrerai, j'apprendrai aux enfants à monter à bicyclette. Et nous irons tous les quatre à Melun acheter des gâteaux. Tout le monde s'arrêtera pour nous regarder passer tellement on sera beau. Je t'apprendrai à nager, à toi, et j'emporterai ma fillette à mon cou pour la tremper où il y a beaucoup d'eau. Je suis si heureux que nos chers enfants soient fiers de leur papa. Et que ma Jeanne bien-aimée leur dise un jour tout ce que nous avons fait pour la vérité et la justice. Nous nous retrouverons avec plus de tendresse. Nous faisons quelque chose de très beau dont l'histoire nous tiendra compte. Notre vie reprendra plus large et plus magnifique. En août 1898, Émile Zola déménage dans une maison près de Weybridge pour y recevoir Jeanne et les enfants. À Paris, ce mois d'août est lourd en rebondissements. Selon le colonel Picard, le télégramme révélé au premier procès Zola était un faux. Le colonel Henry reconnaît l'avoir fabriqué. Il est incarcéré au Mont-Valérien. Le lendemain, il se suicide. L'opinion se retourne. Esterhazy fuit en Belgique. Mi-septembre, Lucie Dreyfus demande au garde des Sceaux de saisir la cour de cassation d'un pourvoi en révision contre le jugement du 22 décembre 1894. Il est accepté. Le camp Dreyfusard crie victoire. Le ministre de la guerre démissionne. Zola veut revenir en France. Ses amis s'y opposent. Sa présence pourrait faire reculer le gouvernement. Jeanne et les enfants rentrent en France. À Paris, Alexandrine donne des interviews, gère les comptes et les droits d'auteur de Zola. Noël 1898 arrive. C'est Alexandrine que Zola a chargée d'acheter les jouets pour les enfants. Il fait un froid de chien. Et je grelotte dans ces grandes chabraques de chambre anglaise. Oh, Alexandrine. Toutes ces sucreries qu'elle m'envoie. Confiture de fraises. Marron glacé. Moi qui rêve d'un bon ragoût de mouton et d'une seule au gratin. Ah, il y a un mot. Tu me dis de venir. Comment veux-tu que je bouge d'ici ? Il y a devant notre porte des agents de la police secrète et dans l'hôtel en face des reporters de journaux immondes qui mouchardent aussi. Je ne puis tousser sans que cela soit imprimé le lendemain. Ce sont des misérables. N'y fais pas attention, ma chère Alexandrine. Marche dessus, comme sur des bêtes nuisibles. Je ne me sens bien que lorsque je ne vois personne. Comme en ce moment. À l'heure que nous aimons tant tous les deux, quand tout le monde est couché et qu'aucun bruit ne règne dans la maison. Comment fais-tu pour recoudre tes boutons ? Je m'y suis mis. C'est un beau spectacle, je t'assure. As-tu un nom pour le petit chat ? Un tout petit minet noir qui dort dans ma main. Je ne trouve pas. Aie donc confiance. Tu peux compter sur moi. Je me considère comme ta fervente et dévouée amie qui t'embrasse très tendrement. Attendre. Encore combien de temps ? Après le suicide du colonel Henri, je voulais rentrer. Clémenceau a dit, restez où vous êtes. La révision du procès Dreyfus n'est pas acquise. Quand elle a été acceptée, j'ai voulu rentrer, pas question. Mon nom aurait rallumé l'incendie. Enfin, je n'ai pas à me plaindre, à côté du pauvre Dreyfus, seul sur son caillou, privé des siens qu'il pense ne jamais revoir. Ce que je demande, c'est qu'on me fiche la paix, et qu'on me laisse faire du vélo, tant que j'arrive à me tenir sur cette bête-là. 3 juin 1899, Émile Zola s'est installé dans l'exil. Il écrit un livre, Fécondité. Au début de l'année, le président Félix Faure est mort brutalement. Déroulède, fondateur de la Ligue des Patriotes, tête de la droite anti-Dreyfusarde, déclare dans ses meetings que le moment est venu de balayer la Troisième République. Il tente un coup d'État, vite déjoué, quand Émile Loubet, issu de la gauche républicaine, est élu président de la République. Loubet, lui, est favorable à la révision du procès Dreyfus. Un rapport d'experts confirme que le bordereau est de la main d'Esterhazy. Ce 3 juin, Mathieu et Lucie Dreyfus attendent la décision de la Cour de cassation. Y aura-t-il un second procès Dreyfus ? Je n'ai aucun doute. Moi, j'y crois plus. Je ne sais où vous trouvez tant de courage. Zola, Jaurès en sont sûrs. La révision aura lieu. Les généraux sont capables de tout. Faux témoignages, fausses pièces, même de déshonorer le colonel Picard. Un des leurs. Mathieu, on sait à présent où tout se décide. Le nouveau président de la République est favorable à la révision. Oui, les choses avancent. Mais si peu, déjà 5 ans. Oui, le temps presse. Pour Alfred. Pour notre famille, tout cela est irréparable. Ce n'est plus seulement notre histoire, Mathieu. L'affaire Dreyfus, c'est l'histoire de la République. La France joue son destin avec le nôtre. Ah, j'aperçois de Manche qui vient au-devant de nous. Il a l'air satisfait. Chers amis, l'arrêt de révision a été rendu. Alfred Dreyfus est renvoyé devant le Conseil de guerre. Le procès aura lieu à Rennes. Oh, quelle joie! Presque trop grande pour moi. Enfin, Fred, chérie. Et lui qui ne sait encore rien. Le jour même, 3 juin 1899, de l'autre côté de la Manche, Émile Zola arrive à son hôtel, le Queen's Hotel, dans le quartier Upper Norwood de Londres. Un télégramme l'attend. Envoyé à 17h54. Chèque à journée. Facture reçue. Tout va bien. Caro. Selon notre code, la révision du procès Dreyfus est officielle. C'est fini, je rentre. On m'a condamné au maximum et j'ai tenu. 11 mois d'exil. Je suis encore poursuivi, mais ils n'oseront pas me mettre en prison. L'évidence éclate. Notre combat était juste. Frêle justice. Une petite lampe sacrée qu'on porte au grand vent. Le lendemain, Zola est dans le train de nuit Calais-Paris. Il rentre en France, persuadé que le conseil de guerre réhabilitera Alfred Dreyfus. Ce procès en révision, qu'on attend depuis 1895, a enfin lieu. Le capitaine Dreyfus a débarqué de Guyane à La Rochelle par une nuit de tempête. Début août, s'ouvre son procès en révision à Rennes. La ville est en état de siège. Partout, soldats, gendarmes, patrouilles à cheval. Alfred Dreyfus paraît à la barre, amaigri mais serein. L'acquittement est assuré. Mais à la surprise générale, après un mois de procès, le verdict tombe. Dreyfus est reconnu coupable d'intelligence avec l'ennemi avec circonstances atténuantes. 10 ans de réclusion. C'est la consternation chez les Dreyfusards. 3 jours plus tard, le 12 septembre 1899, Émile Zola entre dans les locaux du journal L'Aurore. Georges Clemenceau vient à sa rencontre. Ah, Zola, ça fait pas beaucoup de temps, Mathieu Dreyfus est dans mon bureau. Comment est-il ? Oh. Comment voulez-vous qu'il soit ? Une bronchite. Et j'étais en cure. Je me lève d'hier. Bon, vous avez l'article ? Voilà. 3000 signes. Que dire ? Deux procès, deux condamnations, je n'y crois pas. Encore une péripétie, l'ultime, l'inattendu. Toujours aussi dramatique. Pas mal ce titre, le cinquième acte. Condamné. Ça dépasse tout. Je lirai bien le compte-rendu du procès, vous l'avez ? Pas encore. Une infamie à coup sûr. La République ne va pas résister. Vous ne savez pas le plus beau. Laborie a failli se faire assassiner. Laborie ? L'avocat de Dreyfus ? Un coup de revolver dans le dos, un peu avant 6h du matin. Il allait au procès. Mathieu vient de me l'apprendre. Vous voulez peut-être le voir ? Bien sûr. Cher ami, je passais porter mon article. Comment va Madame Dreyfus ? Lucie est à Rennes, avec Alfred. Elle peut le voir tous les jours. Vous n'êtes pas avec eux ? 2 heures après la fin du procès, le président du conseil m'a demandé de venir à Paris. Valdec Rousseau ? Je l'ai vu le lendemain à l'Élysée. Puis je suis retourné voir Alfred. Tout ça en 3 jours. Et qu'est-ce qu'il en pense, Valdec Rousseau, de ce verdict ? Il a demandé au président de la République de gracier Alfred Dreyfus. Le président a accepté. La grâce présidentielle ? C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour se sortir de là. Alfred dit qu'il ne l'acceptera que si tous les Dreyfusards y sont favorables. C'est pour ça que je suis là. S'il est gracié, Dreyfus restera à jamais coupable de haute trahison. Mais il sera libre. On obtiendra sa réhabilitation après. Ce qu'on demande, c'est la justice. Laver son nom de toute accusation. Vous ne devez pas accepter. Vous ne pouvez pas me dire ça. Mathieu, nous le disons parce que nous sommes vos amis. La grâce, vous savez ce que ça signifie pour sa femme ? Ses enfants ? Pour moi ? Alfred n'a plus la force de combattre. Et nous non plus. Oui. Ces années perdues, le bagne. Un tel courage. La grâce, après tout, pourquoi pas ? Au fond, si j'étais son frère, j'accepterais. Émile Loubet signe la grâce le lendemain. Un mois après, une grande manifestation républicaine salue l'inauguration d'une statue, place de la Nation. Son titre, le triomphe de la République. Les dirigeants nationalistes sont arrêtés, nombre de généraux évincés. À travers l'affaire Dreyfus, ils voulaient renverser la République. Elle en sort renforcée. La Ligue des droits de l'homme est créée, l'ordre républicain s'impose. Ce n'est qu'en 1906 que le capitaine Dreyfus sera réhabilité. Zola ne le verra pas, il meurt en 1902. Alexandrine donnera son nom à ses enfants, lui qui ne les avait pas reconnus. Zola est entré au Panthéon. La fin du drame, c'était donc cela. La grâce. La justice et l'armée vous traînent dans la boue, condamnent un innocent 2 fois, et le président lui donne la grâce. La République est sauvée, pour 7 fois. Mais l'affaire Dreyfus restera avec ses terrifiantes questions. La France est-elle encore une terre d'humanité ? Une France libre qui annonce la société juste des siècles prochains. Sommes-nous toujours ce peuple noble, généreux, fraternel? L'affaire Dreyfus, épisode 2, La victoire de la République, de Christine Spianti, avec Alfred Dreyfus, Barthélémy Méridjan, Mathieu Dreyfus, Elia Birman, Lucie Dreyfus, Esther Vandendrich, Émile Zola, Pierre Forest, Alexandrine Zola, Laurence Maslia, Jeanne Rosereau, Léonie Pinjot, Georges Clémenceau, Jean Ocotrel, Maître de Mange, Daniel Königsberg, Bruitage Bertrand Amiel, Prise de son, montage et mixage Delphine Baudet et Antoine Vieussa, assistante à la réalisation Claire Chéneau, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez France Inter, dans quelques minutes je reprends la discussion sur l'affaire Dreyfus avec mon invité Philippe Auriol. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent. Que l'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Ces mots simples de Vanessa Paradis sur France Inter, Autant d'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Kevin Pelot. Philippe Auriol, l'histoire donc que je viens de raconter s'achève sur un compromis bancal. D'un côté, l'armée qui maintient la culpabilité de Dreyfus, de l'autre, le président de la République qui gracie Dreyfus. Comment comprendre cela? Est-ce que ça veut dire que la République, certes, est sauvée, mais elle est toujours menacée par l'armée? C'est une solution de compromis. Dans les papiers de Waldeck-Rousseau... président du Conseil de l'époque. Oui, il y a une petite note amusante. C'est avant le verdict du procès de Rennes. Il réfléchit en fait à ce qui va se passer. En fait, il écrit « Nouveau procès Reynac, nouveau procès Dreyfus. Nouveau procès Zola, nouveau procès Dreyfus. Nouveau procès Picard, nouveau procès Dreyfus. » Parce qu'en fait, tous les autres procès qui sont les procès connexes de l'affaire sont toujours en suspens. Dès avant le procès de Rennes, l'idée, effectivement, c'est d'arriver à une solution de compromis qui va être... la condamnation parce que l'armée va être contente, qui va aboutir à la grâce entraînant l'amnistie des coupables derrière, ce qui fait qu'effectivement, Mercier, Dupaticlam, tous ces gens vont s'en tirer très tranquillement, Esterhazy aussi, et comme ça on va en finir. Et pourquoi est-ce qu'on va en finir? Parce qu'il y a l'exposition universelle qui doit être inaugurée derrière, et qu'en fait il faut arriver à régler ce problème, et qu'en plus les Français, parce qu'on parle souvent de la France coupée en deux, mais en fait il y a une troisième France qui est très puissante, c'est la France qui n'en a rien à faire, et qui veut qu'on arrête avec cette histoire. Et c'est la seule façon de finir l'affaire Dreyfus. Alors, c'est dommage que la victoire de la République, parce que c'est quand même une victoire de la République, passe par là, Voilà. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur cet incroyable cheminement qui a permis la révision du procès et la grâce de Dreyfus et finalement sa réhabilitation, donc ce sera en 1906. Les acteurs ont été très nombreux, mais en quoi le J'accuse d'Émile Zola a-t-il été décisif? Pourquoi c'est un écrivain, voilà, on s'y attend pas quand même, c'est un peu des politiques, bien non. C'est un écrivain, un romancier qui va tout faire changer. Déjà, c'est l'époque où les écrivains se posent une question depuis... alors, c'est ce qu'on appelle la jeune littérature à l'époque, c'est-à-dire les poètes symbolistes, etc., qui articulent en fait ce questionnement, qui est de savoir, on l'avait déjà avant avec les Jeunes France, etc., Gautier, enfin, ça fait longtemps en fait que la question se pose, mais là, elle est vraiment prégnante, quoi. C'est quel est le rôle de l'écrivain, en fait. Et ces jeunes symbolistes pensent que le rôle de l'écrivain, c'est pas uniquement d'être dans une tour d'ivoire à entendre sa lyre sonner, mais que c'est aussi descendre dans le forum pour participer à la vie de la cité. Et c'est la naissance réelle, même si le mot est employé depuis pas mal de temps, de l'intellectuel, c'est-à-dire que c'est un intellectuel et à ce titre-là, il a un rôle à remplir. Et le rôle à remplir, c'est pas uniquement d'écrire des romans ou des poésies, etc. Et à côté de ça, Zola est convaincu depuis un moment. Moi, j'ai retrouvé il y a peu de temps, il y a 2-3 ans en fait, une interview de Zola donnée à la presse américaine ou anglaise, j'ai un trou de mémoire américaine, dans laquelle il dit, donc un mois avant le J'accuse, si Esterhazy est acquitté, et c'est fort probable, nous passerons au civil. Je ne sais pas ce que nous allons faire, mais nous allons passer au civil. Et en fait, il fallait sortir l'affaire du tribunal militaire et la porter sur la place publique. C'est nécessaire, d'autant plus que Esterhazy acquitté, c'est Dreyfus une nouvelle fois condamné, puis un problème en droit, qui est celui de la chose jugée, qui est qu'on ne peut pas rejuger quelqu'un pour un crime qui a déjà été jugé. Donc le fait de le mettre sur la place publique en passant par un procès de presse, et donc passer au civil, est la seule possibilité pour arriver à faire repartir une affaire qui est morte après le procès Esterhazy. J'ai un article qui va paraître là-dessus dans peu de temps, parce que j'ai essayé de reconstruire quasiment à l'heure près la chose. En fait, le J'accuse est prêt avant la fin du procès Esterhazy. Il est complètement écrit. Il y a juste un paragraphe qui va être ajouté. Et il est question d'en faire une brochure qui a réellement été imprimée, parce que Clémenceau, et ça c'est très très juste, n'en veut pas. Et finalement, ça va être publié dans l'Aurore, parce que c'est la question du procès de presse. Voilà. Mais Émile Zola, il prend quand même des risques terribles avec cette histoire. Incroyable. D'ailleurs, il va lui-même finalement, sans doute, y perdre la vie. Enfin, ça, on le saura peut-être des années plus tard, mais quand il va mourir en 1902, il est très probable qu'il a été assassiné. Bon, on en est sûr, pratiquement, aujourd'hui. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, à côté de ça, c'est pas un assassinat commandité, etc. C'est un nationaliste antisémite exalté qui a eu le sentiment qu'il rendait service à l'humanité en faisant ça, c'est un acte individuel. Donc c'était, il était chez lui, Émile Zola avec sa femme, et il a été asphyxié. D'abord on a pensé accidentellement, et ensuite on a découvert que probablement la cheminée avait été bouchée. Et mais sinon il prend des risques absolument énormes. Peu de gens croient effectivement à l'acquittement parce que l'insulte est là. Donc c'est un coup de tonnerre absolument incroyable, un acte révolutionnaire qui va vraiment effectivement permettre de relancer l'affaire. Mais les Dreyfusards l'ont très très mal vécu pour beaucoup. Beaucoup d'ailleurs vont décider de se retirer du combat parce qu'ils n'acceptent absolument pas qu'on passe comme ça du côté révolutionnaire et qu'on oublie la légalité. Eux, ils voudraient que ça se passe en demandant une révision tranquille, etc. Il y a beaucoup de gens, Durkheim par exemple, va absolument pas accepter cet acte. Et on a plein de lettres aujourd'hui de gens qui parlent de l'acte idiot, de l'acte épouvantable, de l'acte insupportable de Zola. C'est assez amusant, en fait. Et Alfred Dreyfus, pendant ce temps, lui, il est toujours à l'île du Diable, dans des conditions de détention très, très dures. Oui. Il a souvent été présenté comme un personnage un peu falot. En réalité, c'était un véritable acteur du combat pour sa propre liberté. Je vous propose, avant d'en parler, d'écouter la voix d'Alfred Dreyfus. C'est un document unique, je pense, dont voici un extrait enregistré en 1912. Il rend hommage à ceux qui ont combattu pour la justice dans cette affaire. Au début de l'affaire, il ne s'agissait pour la plupart de ceux qui prirent part que d'une question de justice et d'humanité. Mais à mesure que la lutte se poursuivait contre toutes les forces d'oppression coalisées, elle prenait une envergure insoupçonnée qui n'a cessé de croître jusqu'à ce que la lumière fût faite complète, entraînant avec elle une transformation capitale dans les idées. Elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose vers une ère de progrès immense pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale. C'est étonnant ce qu'il dit, ouais. Alfred Dreyfus. Ouais. Il se rend compte que cette histoire est un tournant dans l'humanité. Mmh. Il dit que voilà, qu'on doit y trouver des sources pour une nouvelle liberté, une justice sociale. C'est étonnant. Oui, la seule chose, c'est qu'effectivement, c'est un timide, c'est un modeste, c'est un discret. Beaucoup de gens estimaient qu'il n'avait pas l'ampleur, en fait. Mais bon, n'oublions pas une chose, c'est qu'il n'avait rien demandé déjà. Oui, voilà. C'est surtout donc ça. Donc ça, c'est la première chose. Et à côté de ça, il est absolument conscient de la portée de son affaire. C'est clair. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que bon, il est issu de la bonne bourgeoisie, qui est plutôt une bonne bourgeoisie libérale, certes, mais plutôt conservatrice. L'affaire Dreyfus va le diriger plutôt sur la gauche. Son grand héros, c'est Jaurès. Alors la seule chose, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, quand Jaurès s'entend avec la CGT, que Dreyfus considère comme des anarchistes, là, ça va plus trop. Mmh. Mais sinon, effectivement, il est plutôt de gauche et très conscient, en fait. Mais pourtant, Alfred Dreyfus va être obligé de quitter l'armée, hein, ouais. L'armée ayant refusé de compter ses 5 années de prison dans son ancienneté. Il va mourir en 1935. Il ne connaîtra pas Vichy. Heureusement pour lui, mais sa petite fille, oui. Je crois Madeleine Lévy, mourra à Auschwitz. Ouais. Est-ce que l'affaire Dreyfus va laisser des traces profondes dans la société française ? Peut-être pas pour tout le monde, mais oui, en fait. Alors déjà, elle va complètement réorienter un certain nombre de choses. Déjà pour la République, on le disait tout à l'heure, la République est fragile, elle va se consolider avec l'affaire, première chose. Deuxième chose, de l'affaire Dreyfus va sortir la loi de 1901 sur les associations qui est le prologue à la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. C'est la création des partis politiques aussi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment clarifier la chose, et ça va naître de l'affaire Dreyfus. Et puis à côté de ça, ça pose des vraies questions qui sont des questions qu'on se pose encore aujourd'hui par rapport à l'engagement, par rapport à l'altérité, le respect de l'autre, l'antisémitisme, le racisme, etc. Des médias libres. La question des médias aussi, oui. Vous êtes en train de créer un musée sur l'affaire Dreyfus dans la maison de Zola à Médan. L'objectif est avant tout pédagogique. C'est compliqué, la pédagogie sur l'affaire Dreyfus. Oui, oui. Alors, ça devrait ouvrir en 2020, très probablement. C'est pour poser des questions pour un public qui est plutôt un public de jeunes gens, de scolaires, et essayer de faire réfléchir un peu sur cette chose insupportable qu'on est en train de vivre actuellement et qui s'appelle la concurrence des mémoires. Je vous comprends. Il n'y a pas de concurrence des mémoires. Non. Vous avez raison. Merci Philippe Auriol, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'affaire Dreyfus, notamment l'histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, en 2 volumes, édition Les Belles Lettres 2014, et apparaître en 2019, Picard, le pyramide de Dreyfus. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous parlerons d'un fait divers qui en 1933 avait passionné et divisé les Français, l'affaire Violette Nozière. Cette jeune fille reconnue coupable d'avoir empoisonné ses parents et qui affirmera durant son instruction qu'elle avait été violée par son père. Les poètes surréalistes prirent fait et cause pour la jeune femme. Violette Nozière, itinéraire d'une enfant perdue, c'est dimanche prochain dans Autant en porte l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, vous avez bien sûr rendez-vous avec Édouard Baird, Lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.